très sur la CEDEA ou l'Union africaine, ce ne sont pas les mêmes modèles. Regardez, les mêmes modèles. Allez lire les textes. C'est pratiquement les mêmes modèles. Donc vous voyez très bien que on est là dans une annexion de l'idée panafricaniste, une annexion de l'idée panafricaniste par une organisation qui a réalité un gang de voyous, de mercenaires qui ont décidé de trahir l'Afrique. L'Union africaine est une organisation traîtresse qui est au service de la trahison du continent africain. Moi, ce qui me fait mal, ce sont tous ces présidents qui vont se réunir là-bas, s'associant, n'est-ce pas, à la trahison du continent africain. Je dis tous ces présidents qui vont s'asseoir là-bas. Tous ces présidents qui jouent ce jeu-là. Mais ils trahissent l'Afrique en plein jour, tout le monde est en train de voir. C'est de cela qu'il s'agit. Afrique Média, le monde, c'est nous.